dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça. Toi dans ma vie, j'oublie mes problèmes. J'ai qu'une envie, tenir mes promesses. Tu m'as donné, j'en redemande encore. Pas de love avant que je te connaisse. T'es ma maladie désormais, j'ai mon gilet sur moi. Et je tire pour toi. Et je suis dealer, je suis bien, bien. J'ai mon gilet sur moi et je tire pour toi. Je te fais sourire, je suis là pour toi tous les jours. Baby, je vais t'entendre, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça. Baby, je t'entends, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. T'as besoin de mes caresses, un appel et j'apparais. Je te présente mes amis, lui t'as peut-être ma mamie. Fresh. Baby, don't play. Nous deux, on sait. Rababam, j'raffole pour toi. Gucci bag, baby, j'ai de l'argent. Je suis banqué, tout est prêt. Baby, loyalty, love, respect. Tout y est, yeah. Let's go. J'ai le temps. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça. Baby, je veux t'entendre. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi vers moi, parle-moi, baby. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça. Baby, je veux t'entendre. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça. Non.